Les membres de diverses organisations et habitants de l'arrondissement de Songju, province du Gyeongsang du Nord de Corée du Sud, ont commencé le mouvement de coupe des cheveux le 14 courant devant la mairie de Songju contre la décision des autorités sur la disposition de SAD. Ils ont réclamé la démission de Park Geun-hye en tant que responsable de la dernière affaire et le retrait immédiat de la décision de disposition de SAD qui menace le droit à l'existence des habitants de Songju. Par ailleurs, les étudiants sud-coréens ont commencé le 15 devant la base des troupes américaines à Ryongsan le sitting de 48 heures contre la disposition de SAD. Le 13 dernier, le préfet et les parlementaires de la province du Gyeongsang du Nord ont affirmé que la dernière décision est complètement invalide car elle est d'un bout à l'autre dépourvue de l'ouverture des renseignements précis et de la procédure convaincante avant de réclamer son retrait aux autorités. Le même jour, les presses sud-coréennes telles que Kyungshang Simun et CBS ont également dénoncé l'objectif de la décision des autorités sur la disposition de SAD et son injustice.